Dans les bistrots, les hommes à bout de souffle brûlent leur vie en quelques cigarettes. Dans ce monde où les sentiments s'essoufflent, la liberté vit dans une oubliette. Dans les basses fringues, les humains se déglinguent, buvant un vin qui n'a plus aucun goût. À chaque verre, c'est un cœur qui se flingue, c'est un passé qui pisse de dégoût. Dans les troquets, on maquille sa détresse en bouteille d'alcool pour oublier que lorsque les sentiments les délaissent, la solitude baise avec les paumés. Aussi vrai que quand on est seul, on reste au bar à toujours espérer. Un regard profond qui console, un pauvre chien qui veut bien nous aimer. Et dans les bars, l'humanité s'effeuille, un jour peut-être le refleurira. Dans la fumée, la rancœur se dégueule, c'est elle qui crève nos cœurs au combat. Vie refoulée, lorgnant encore les fesses de quelques vieilles qui s'en vont faire pipi. Ils étaient prisonniers dans leur jeunesse, mais ils le sont encore plus aujourd'hui. Les bistrots sont le corbillard du peuple, on y joue ce que l'on perd au tiercé. Dans les villes, nos sentiments se dépeuplent, la chair se vend toujours à bon marché. Et les vieillards se parlent sans comprendre de ce monde qui a beaucoup changé. Il ne leur reste plus rien à défendre, leur idéal est mort et enterré. Mon amour, raconte-moi l'histoire de cet enfant qui voulait tout aimer. La terre entière est un grand abattoir et les victimes sont de tous les côtés. Raconte-moi ce qui fait que l'on s'aime dans ce grand monde où tout est violenté. Moi j'aurais voulu t'écrire un poème qui n'en finit jamais. Dans la nuit, cherche ton visage. Je t'appelle, tu ne me réponds pas. Dormir ensemble est un très long voyage qu'on fait à deux, solitaire chaque fois. Mourir d'amour, est-ce encore possible? Pour mon amour, réponds-moi. Est-il possible de toucher l'impossible? Votre enfant, je sais, il le touchera. Je cherche un mot pour comprendre mes frères. Je cherche un mot que je ne trouve pas. Peut-on s'aimer par-delà les frontières, mettre une fin à tous nos combats? J'ai vu des vieux crever sans espérance, une jeunesse se traîner à genoux. Vivre d'amour est notre seule chance. Vivre d'amour et sortir de chez nous. Dans les bistrots, les hommes à bout de souffle brûlent leur vie en quelques cigarettes. Chaque fois que mes sentiments s'essoufflent, je vais mourir là où les gens font la fête. Notre vieux monde sonne le glas et je pense à notre enfant qui s'endort. Son corps fragile entre tes bras. Amour, ce qui est important, ce qui est important, c'est de l'aimer toujours plus fort. Plus fort.